Chapitre 7e. Depuis une heure environ, Victor de Passecroix et lui chevauchaient en forêt, et ils s'étaient peu à peu rapprochés de la petite troupe des veneurs. « Monsieur, dit l'officier de marine en souriant, nous ne pouvons plus causer, il faut chasser. Ce soir, après dîner, je vous raconterai la suite de cette histoire. Mais, monsieur, insista Victor, vous ne me refuserez pas un dernier mot, j'imagine, lequel ? L'homme à qui vous avez servi de témoin aux colonies, « est-il, monsieur de Nancy ?»« Oui, monsieur. » Victor et l'officier de marine venaient d'arriver dans un carrefour appelé la Croix du Bois Fourchu, où les veneurs se trouvaient réunis. Au milieu d'eux, Albert Morel, fièrement campé sur sa selle, sonnait le lancer. L'officier de marine vint se placer devant lui. Mais Albert Morel ne sourcilla point, et il continua à sonner de toute la vigueur de ses poumons. Puis, tandis que monsieur de Montalais, le père, lui donnait la reprise, il remit sa trompe sur son épaule et demanda du feu à l'officier de marine qui fumait. « Quel calme !» pensa Victor de Passecroix. « Décidément, le marin se trompe. » Et comme chacun des veneurs s'élançait sous bois au galop, il rendit la main à son cheval, décidé à suivre la chasse et à attendre patiemment le soir pour attendre la suite de l'histoire de M. Félix de Nancy. La chasse dura 5 heures et demie. L'animal fut forcé au coucher du soleil et Victor de Passecroix, qui avait constamment galopé sur les derrières de la meute, crut arriver le premier à l'Alali. Mais déjà un veneur, sortant du fourré, avait embouché sa trompe et sonné avec ardeur. C'était Albert Morel. « Décidément, monsieur, lui dit Victor avec quelque humeur, je croyais avoir le meilleur cheval, mais je m'aperçois qu'il n'en est rien. Le vôtre est plus vite. » Albert Morel se prit à sourire. « Vous vous trompez, monsieur, dit-il. Mon cheval ne vaut pas le vôtre, mais j'ai pris un raccourci. » Et cela m'a permis d'arriver avant vous. » Le ton de Albert Morel était d'une politesse exquise. Il continua à sonner l'alali. Presque au même instant, Raoul de Montalais survint et envoya une balle au pauvre animal qui faisait tête au chien. On fit la curée, puis on remonta à cheval. « Messieurs, dit alors Albert Morel, voulez-vous des cigares ? » Il tendit un étui en cuir de Russie à Victor qui s'inclina et alla ranger son cheval à la droite de celui de Roger de Bellecombe en lui disant « Il me faut la suite de l'histoire, ne l'oubliez pas. » L'officier de marine reprit. Environ 2 années après les événements dont Paris avait été le théâtre, la frégate de guerre, la Licorne, débarqua à Saint-Denis, le port principal de Bourbon, un bataillon d'infanterie de marine qui venait tenir garnison dans l'île. Le chef de bataillon se nommait Octave Bruneau. C'était ce même officier que nous avons connu lieutenant à Paris et qui avait servi de témoin à M. de Valserre, son ami, dans sa rencontre avec le malheureux Raymond de Luz. Une campagne en Afrique, une permutation intelligente, avait fait du lieutenant de hussard un chef de bataillon. La frégate La Licorne avait à peine déposé ses passagers à terre qu'une députation des principaux planteurs de l'île vint à la rencontre du nouveau bataillon. Les colonies, si loin de la France qu'elles soient, aiment tout ce qui vient de la mère patrie et l'arrivée d'un navire est pour elles un sujet de grande joie. Parmi cette petite députation se trouvait le plus riche planteur de la colonie, Charles de Nancy. Monsieur de Nancy, disait-on à Bourbon, avait eu un singulier et triste bonheur. Il avait été l'ami intime, presque le frère d'un jeune créole, Raymond de Luz, avec lequel il était allé terminer ses études à Paris. Raymond de Luz était mort fatalement, tué dans un duel, à la suite d'une sotte querelle. Monsieur de Nancy, son ami, avait été témoin. Il avait recueilli son dernier soupir et avait ramené à Bourbon son corps embaumé par le procédé canal. Cette conduite, pleine de dévouement, méritait une récompense et le pieux Charles de Nancy, comme eût dit Virgile, avait été largement payé de ses soins en épousant Mademoiselle Blanche de Luz, la sœur et unique héritière du pauvre Raymond. Octave Bruneau et Charles de Nancy se reconnurent sur le champ. L'accueil fut froid de part et d'autre, mais poli. Cependant, M. de Nancy était loin de soupçonner ce que le chef de bataillon pensait à son égard. La députation des planteurs fut retenue à dîner à bord de la Licorne. Il y eut un punch sur le gaillard d'arrière. « Ah !» s'interrompit l'officier. « J'ai oublié de vous dire que j'étais aspirant de première classe à bord de la frégate française. » Donc, il y eut un punch. Le hasard m'avait placé auprès du commandant Octave Bruneau, avec lequel, du reste, j'avais fait en plus connaissance pendant la traversée. Le commandant regardait M. de Nancy avec une fixité, une obstination qui m'étonnèrent. « Est-ce que vous connaissez ce monsieur ?» lui demandai-je. « Oui et non, » répondit-il. « Comment cela ? Je l'ai vu à Paris, mais je ne le connais point. ajouta sèchement le commandant. Cette réponse était de nature à m'intriguer tout à fait, et tandis que nous nous promenions sur le pont en fumant, j'abordais franchement la question. Vous m'avez fait tout à l'heure, convenez-en, une singulière réponse. À propos de ce monsieur de Nancy, peut-être ? Précisément. Ah, vous trouvez ? Je trouve que votre accent est rempli d'un dédain suprême quand vous parlez de lui, commandant. Le commandant ne répondit point, mais son sourire confirma largement mes paroles. Puis tout à coup il me dit « Vous êtes venu plusieurs fois dans ces parages ? Je suis à mon troisième voyage dans la mer Indienne. Alors renseignez-moi. Sur quoi ? Est-il vrai que ces latitudes soient celles des narcotiques par excellence ? C'est vrai. Et tenez, j'ai précisément dans ma cabine une certaine poudre noire qui procure une ivresse terrible, prise à une certaine dose. Ah ! Une ivresse de 2 heures, pendant laquelle le sommeil est si profond que tous les canons de tribord et de bâbord ne vous réveilleraient pas. » Le commandant fronçait le sourcil et paraissait caresser quelque étrange idée. Pendant ce temps, on dressait à l'arrière, sur le pont, les tables du punch, tandis que créoles, marins et soldats de marine se promenaient, bras dessus, bras dessous, en fumant des cigarettes. « Tenez !» me dit le commandant Bruno. « Je donnerais gros pour que ce monsieur de Nancy puisse avaler une pincée de la poudre dont vous venez de me parler. » Singulière idée. « In vino veritas, vous connaissez ce proverbe, sans doute. Eh bien, je voudrais lui faire faire des aveux à cet homme, mais... » Et il le forçait à me dire « Mais mon cher commandant, interrompis-je, ma poudre ne fait point parler, elle fait dormir, voilà tout, tant mieux. » « Alors je ne comprends plus. J'ai mon idée, où est votre poudre ? En bas, dans ma chambre. Eh bien, donnez-moi quelques grains. Mais, à ce prix, vous saurez pourquoi je méprise ce monsieur de Nancy. » La curiosité l'emporta chez moi sur tout autre sentiment. Je descendis donc dans ma cabine et j'y pris dans un petit coffre où je serrai mon argent et mes livres une boîte microscopique dans laquelle se trouvait une poudre noirâtre. Je tenais cette étrange substance d'un marin chinois. « Mon cher monsieur, me dit le commandant Bruno, combien faut-il de grains de cette poudre pour procurer l'ivresse dont vous me parliez ?» Et le commandant examinait curieusement la poudre noire. « Une pincée, répondis-je. Cette poudre peut-elle occasionner la mort ? Non. Alors donnez votre boîte. » En ce moment, on prenait place autour des tables de punch, et hasard étrange voulut que le commandant Bruno et M. de Nancy se trouvassent placés à côté l'un de l'autre. Le commandant avait-il été prestidigitateur ? Je n'oserais l'affirmer, mais ce fut avec une habileté merveilleuse qu'il laissa tomber dans le verre de M. de Nancy la pincée de poudre noirâtre.